Barbara, par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. Ayant une maison plus grande qu'il ne leur est nécessaire, écrivez cela à ma mère, dit Barbara, assise sur le tapis, les deux mains croisées sur les genoux, au niveau du plus joli menton du monde. 60 mots pour 5 shillings, s'écrie Madame Trevenock d'un air inquiet et quittant des yeux une composition originale qu'elle rédige avec la collaboration de ses deux filles. « Oui, écrivons cela, mère, » répète Florence, à genoux à côté de la table. « C'est notre seul préservatif contre l'humiliation. » Une dame et ses filles ayant une maison plus grande qu'il ne leur est nécessaire, consentiraient volontiers, seraient heureuses, suggère la mère. « Non, mère, c'est beaucoup trop humble. » « C'est faire trop bon marché de soi-même. Mettez, consentiraient volontiers. » « Cela fera plus de 60 mots, j'en suis sûr. » Consentirait volontiers à recevoir un pensionnaire. Pensionnaire ? S'écria Barbara, faisant une adorable moue. Une chambre grande et bien aérée. Vaste et bien aérée, reprit Florence d'un air méditatif. Je me demande ce qu'une personne habituée aux quartiers élégants entend par une chambre bien aérée. Les quartiers élégants fournissent peu de pensionnaires, dit Barbara. Vous nous faites perdre notre temps avec vos interruptions. Une chambre vaste et bien aérée, reprend Madame Trevenock, avec la persistance de quelqu'un qui a trouvé une idée originale. Libre accès au salon, dîner le dimanche, musique de famille. N'ajouterez-vous pas, ma mère, que nous avons connu de meilleurs jours dans cet article biographique ? Demande Florence. Madame Trevenock rit de bon cœur de cette observation piquante. Elle était toujours disposée à s'amuser de l'esprit caustique de ses filles, et il faut bien le dire, se penchant chez elle, était encore encouragée par l'indulgence maternelle. Elles étaient aussi pauvres que Job, cette mère et ses deux filles, mais non pas comme on l'entend généralement dans le monde, où les gens qui ont 50 000 francs par an voudraient en avoir 150 000, et ceux qui en ont 150 000 trouvent la vie intolérable parce qu'ils n'en ont pas le double. Madame Trevenock et ses filles devaient faire face à toutes les exigences de la vie avec un revenu fixe de 3 500 francs environ. Parfois, une bonne aubaine leur tombait du ciel, mais tout compte fait, bon an, mal an, le revenu ne s'élevait jamais à 5 000 francs. Heureusement, la vie, il y a 25 ans, était moins coûteuse qu'aujourd'hui. La pauvreté n'avait dans cet intérieur rien de repoussant. Leur petite maison, louée 600 francs, située à Camberwell, bâtie au milieu d'une pelouse, avait un aspect pimpant et coquet. La mère et les filles s'aimaient tendrement et se rendaient mutuellement l'existence agréable. Elle ne goûtait d'autre plaisir que celui de puiser sans cesse à cette fontaine débordante d'affection. Elle ne pensait qu'à se faire de douces surprises, en mettant tantôt un rosier de plus dans le jardin, tantôt un bouquet sur la cheminée. Active, laborieuse et sobre, peu leur importait de savoir comment elles dîneraient, mais non d'orner leur maison de fleurs odoriférantes. Ce petit cottage, où tout était bien tenu et luisant, semblait fait pour le plaisir des yeux. Camberwell n'était pas encore arrivé au degré de civilisation et de progrès que représente le terrain à 500 francs le mètre. Les maisons serrées les unes contre les autres, comme des dominos dans une boîte, et un jardin dont les dimensions ne permettent pas de faire sécher plus d'une demi-douzaine de mouchoirs de poche à la fois. Les maisons variées d'architecture, éparses au milieu d'un frais et gai paysage, s'élèvent çà et là au-dessus des arbres. De jolies allées sinueuses les entourent. L'effet général est simple et pastoral. L'annonce est insérée dans le Times, et enfin, après 3 jours passés par Madame Trevenock et ses filles dans une attente indescriptible, un pensionnaire, un seul, répond à leur appel. « Une lettre, une pauvre petite lettre !» s'écrie Barbara en tenant une enveloppe. « Mais elle a l'air aristocratique !» Madame Trevenock rompt le cachet d'une main nerveuse pendant que ses deux filles se pressent à ses côtés. Sur le cachet de cire rouge, l'empreinte d'un cimier ressort bien en relief. Le papier est de premier choix, l'écriture ferme et bien formée. « Vous voyez, mère, qu'il s'agit d'une personne au-dessus du vulgaire, » dit Florence en montrant ces mots timbrés sur l'enveloppe. « United Service Club. » Être membre d'un club et d'un pareil club lui paraissait la garantie d'une certaine position sociale. « Ah !» s'écrie-t-elle mélancoliquement, en promenant ses regards autour de la pièce. « Nous ne serons pas à sa hauteur. L'annonce aura été trop attrayante. Il va s'attendre à trouver un château. » « Un château ? En général, ceux qui habitent des châteaux ne sont pas en quête de pensionnaires. s'écrie Barbara d'un ton pratique, car ce n'est, comme chacun sait, qu'un expédient honnête pour ajouter quelque chose à ses revenus. Madame Trevenoch lit tout haut la lettre que ses filles dévorent des yeux. Le capitaine Leland présente ses compliments à F.T., initiales sous lesquelles Madame Trevenoch avait voilé son nom, et sollicite une entrevue avec F.T. aussitôt que possible. C'est dire qu'il viendra, n'est-il pas vrai? À coup sûr, mais je ne serai pas présente à cette première inspection de nos personnes, de notre maison, de notre domestique. Je ne saurais y être non plus. Ma mère seule essuiera ce premier feu. S'il ne trouve pas que ce qu'on lui propose vaille 25 francs par semaine, il ne prendra pas pension ici. Je voudrais savoir, mère, s'il vous questionnera sur les menus du dimanche et sur la manière dont on fait les rôtis. Le convive d'un club ne doit pas aimer les rôtis au four, j'en suis sûr. S'il a bon appétit, que lui importera? Nous prendrons, je suppose, les habitudes à la mode et nous dînerons très tard, au moins le dimanche. Allons, mère, prenez votre papier le plus élégant et écrivez au capitaine Leland. Il est possible que son nom soit ce qu'il y a de mieux dans sa personne. Il est sans doute vieux et laid, dit Florence, dont l'enthousiasme s'évapora comme une fumée. Il est pauvre, certainement, dit Barbara. C'est l'état normal des pensionnaires. Madame Trevenoch prend la plume, du papier, écrit au capitaine Leland en lui fixant, à l'après-midi du lendemain, l'entrevue qu'il sollicitait. Les deux sœurs allèrent ensemble jeter la lettre à la poste. Puis, elles avaient l'habitude de faire elles-mêmes leurs provisions à la ville. C'est ainsi qu'elles épargnaient beaucoup de temps à leur unique servante, qui, elle aussi, semblait prendre un vrai plaisir à la bonne tenue de la maison. Tout le long du chemin, les deux sœurs parlèrent du capitaine Leland. Leur vie tournait dans un cercle si étroit que le plus petit incident fournissait un sujet de conversation sans fin. Tout en ayant le goût de la lecture, elles ne pouvaient toujours discuter la littérature. Leur nature ardente réclamait un objet plus vivant. Elles avaient peu de connaissances, de brillantes relations encore moins. Ce n'est pas avec 5 000 francs par an au maximum qu'on peut frayer avec les grands de la terre. Elles se tenaient pour très favorisées du sort s'il leur arrivait une invitation à prendre le thé une fois en 6 semaines et une invitation à dîner une fois en 3 mois. « C'est sûrement quelque vieille momie, » dit Florence. « Il vaut bien mieux voir les choses en rose qu'en noir, puisque dans 24 heures nous n'aurons plus d'illusions à nous faire et il va sans dire que nous nous arrangerons pour l'apercevoir. »« Naturellement. » »« Représentons-le nous comme Rochester dans Jane Eyre. »« Noir comme Othello. » Faisant des discours lugubres pendant les 2 premières semaines, puis tombant éperdument amoureux à la 3e. De toi, bien entendu, Barbara. Pourquoi cela? Parce que tu es 100 fois plus jolie que moi. Vraiment, Florence, c'est trop dire. Car tu es la plus jolie fille que je connaisse. Hélas, tu n'en connais guère, dit Florence, en rougissant du compliment de sa sœur. Florence, quoique douée d'avantages physiques très réels, avait cependant raison de trouver sa sœur encore mieux partagée qu'elle. Elle représentait à elles deux des types très différents de la beauté. Florence avait les yeux bleus et vifs, les cheveux châtain clair avec des reflets d'or, la taille gracieuse et fine. Mais il y avait autre chose dans Barbara. Ses yeux étaient gris foncé, ses cils longs et noirs. Puis elle avait ce teint blanc et mat qui est le plus rare de tous les avantages. Quand les deux sœurs passaient dans une rue, la fraîcheur et l'éclat de Florence frappaient de préférence les regards. La lettre mise à la poste, les emplettes faites, on rentre chez soi. Les 24 heures d'attente s'écoulent et le lendemain, à 3 heures moins quelques minutes, Barbara et Florence guettent, dissimulées derrière les rideaux, l'arrivée de Rochester. L'horloge sonne un coup, puis deux, et avant qu'on ait entendu le 3e, les deux sœurs aperçoivent un chapeau tuyau de poil au-dessus des lauriers de Portugal. « Quelle ponctualité !» dit Florence d'un air déçu. « Rochester n'a jamais eu cette exactitude, » reprit Barbara, d'un air encore moins satisfait que sa sœur. L'étranger, arrivé à la porte du jardin, l'ouvre sans peine en la poussant. « Mais il est très jeune, » dit Barbara. « Brun. Grand. Une moustache ombrage ses lèvres. » Ce devait être sans doute un officier de cavalerie, un étranger ou un aventurier, car ces 3 catégories monopolisaient à cette époque l'usage de porter moustache. Pourvu que ce soit un homme bien élevé, il a l'air très distingué. L'étranger suivit l'allée sablée et tournante que Madame Trevenoch appelait avec une prétention non justifiée l'allée des voitures, car le plus habile cocher n'aurait pu s'y hasarder sans compromettre ou la voiture ou la fenêtre qui faisait saillie au milieu de la maison. L'arrivant ne se doutait pas des deux perdus braqués en ce moment sur le sommet de son chapeau. Il examinait l'extérieur du logis dont l'aspect champêtre et calme l'impressionnait agréablement. Cette riante retraite, se disait-il, me paraissait bien préférable à une rue enfumée de Londres, sans compter l'économie qui en résultera pour ma bourse. La bonne à tout faire ouvrit la porte. Sa tenue, y compris son petit bonnet, était irréprochable. Avant la guerre de Crimée, il y a 25 ans, les domestiques en Angleterre portaient le bonnet. Elle conduisit l'étranger vers le salon dont elle ouvrit la porte. Madame Trevenoch se leva pour recevoir le capitaine Leyland. Que vit le capitaine en effilant le bout de sa moustache et en scrutant d'un coup d'œil ce petit salon qui n'avait que 12 pieds de long sur 12 de large? Il vit une maîtresse de maison qui était évidemment une femme distinguée, une pièce qui n'avait rien de banal, un visage doux, un peu pâle mais souriant, et qui inspirait la sympathie. Un mobilier suranné peut-être, mais bien entretenu et confortable. Un piano ouvert, des livres sur les tables, des fleurs partout, enfin, tout ce qui dénote le culte des pénates. Malgré la vie nomade que le capitaine Leyland menait depuis des années, l'idée seule du foyer domestique exerçait toujours sur lui une sorte de fascination qui pouvait aller jusqu'à la vénération devant une réalité sérieuse. Après l'échange de questions et de réponses assez difficiles pour les deux parties, et pendant lesquelles le capitaine balbutiait tout en suivant du bout de son stick les dessins du tapis, le sentiment de l'embarras qu'il semblait éprouver finit par se dissiper, et il formula franchement la phrase suivante. « J'ai la conviction, madame, que je me plairai ici. Je reviens de l'Inde. Ma famille étant dispersée dans toutes les possessions anglaises, j'ai loué 2 pièces dans le West End, et je passe presque tout mon temps au club. Je suis loin, je l'avoue, de me trouver bien du parti que j'ai pris. Les appartements du West End sont chers et mal tenus. Le mien dépasse sous ce rapport tout ce que la pensée la plus hardie a peine à concevoir. Quoique le club soit très commode pour les célibataires, on en a quelquefois bientôt assez, et même trop. Je crains qu'après le West End, Camberwell ne vous paraisse bien triste. Permettez-moi, madame, de ne pas partager vos craintes. Pour moi, les gaietés du West End ne représentent que le bruit assourdissant des voitures dans la rue. J'ai peu de connaissances à Londres et je ne les cultive pas. » Madame Trevenoch fixa sur le capitaine des regards surpris. Un officier, jeune, agréable de sa personne, devait aimer la société et être l'ami d'elle. Il ne pouvait manquer d'être reçu chez les duchesses et chez les ministres. Elle ne comprenait rien à cette énigme et commençait à craindre qu'il n'y eût là quelque mystère. Le capitaine soupçonnait les appréhensions de Madame Trevenoch et s'empressa de dire « Je me rappelle, madame, qu'il était question de référence dans l'annonce. Je vous prierai de vous adresser à mon banquier. Non pas qu'il ait de grosses sommes à moi, mais parce que c'est un très digne homme. » Il prononça ces mots avec un accent de sincérité qui acheva de gagner Madame Trevenoch. « Cela suffit, » répondit-elle sans attendre le nom et l'adresse du banquier. « Mais il convient d'avoir des références de part et d'autre. »« Du tout. Moi, je ne suis qu'une épave. Vous, madame, c'est tout différent. »« Vous désirez sans doute voir la chambre ?» lui demanda Madame Trevenoch en tirant le cordon de la sonnette. Amélie, à qui on avait fait la leçon d'avance, conduisit le capitaine Leyland dans la fameuse chambre, vaste et bien aérée. De la fenêtre, on voyait le jardin d'agrément, le potager, un canal, et une agglomération de toits à moitié cachés dans les brouillards de Londres. Les deux sœurs, toujours à leur poste d'observation, entendirent pour la première fois la voix mâle et sympathique du capitaine. « Crois-tu qu'il viendra ?» demanda Barbara à sa sœur. « Non, il est beaucoup trop homme du monde. Il a parlé très longtemps avec ma mère. « Simple affaire de curiosité, » dit-elle pour parer une déconvenue. Le capitaine passa à peine 2 minutes dans la chambre. La fenêtre s'ouvrait et se fermait bien, et il y avait une cheminée. La pièce était saine. Le capitaine en avait vu de plus grande, mais jamais de mieux tenue. Il redescendit, parfaitement satisfait. Il va maintenant demander 1 ou 2 jours pour réfléchir et ne reviendra pas. N'est-ce pas ainsi que les choses se passent la plupart du temps ? Elles attendirent 5 minutes, écoutant toujours, puis, dès qu'elles eurent entendu le bruit de la porte qu'on refermait, elles descendirent 4 à 4 l'escalier. S'il n'avait été aussi jeune, elle se serait cassé le cou avant d'arriver en bas. « Eh bien ? » s'écrièrent-elles. « Eh bien, mes enfants, vous pouvez compter sur lui, c'est un charmant jeune homme, je suis persuadé qu'il vous plaira. Je pressens qu'il nous faudra désormais faire le sacrifice de nos actes de gaieté et agir avec circonspection. Nous ne saurions plus dire de folie. Non, pas devant lui, reprit Madame Trevenoc, mais nous nous rattraperons quand il sera à son club. Je suis sûr que nous ne le verrons pas souvent. Qui sait ? Dit Florence d'un ton interrogatif. Le capitaine avait laissé sa carte. Barbara s'en empara. H-E-I-C-S, dit-elle. Que signifient ces initiales ? Service de l'honorable compagnie des Indes orientales, répondit Madame Trevenoc, très fière de son savoir. Comment ça ? Ce n'est donc pas un vrai militaire ? Sa mère se hâta de lui prouver par A plus B que le service de la Compagnie des Indes valait celui de la reine. « Mon cousin Walter Smith était au service de la Compagnie. Vous devez vous le rappeler. »« Je le devrais, mais comme je ne l'ai jamais vu de ma vie, je suis pardonnable d'avoir oublié ce détail. » Madame Trevenoc soupira. Hélas, elle savait mieux que ses filles que les parents pauvres sont comme des parias, que les familles riches et de haute distinction tiennent à l'écart. Tous les Trevenoc, cependant, n'étaient pas des gens durs et sans cœur, puisque c'était à la générosité de quelques-uns d'entre eux que Madame Trevenoc et ses filles étaient redevables de ces petites aubaines dont nous avons parlé plus haut. Mais quoi qu'on fût en relation de visite, en correspondance, et que parfois même on rompit le pain ensemble, il n'y en avait pas moins un abîme entre cousins et cousines. Madame Trevenoc, Mademoiselle O'Reilly, avant son mariage, était la fille d'un médecin, irlandais d'origine et anglais par éducation. Il avait été associé d'une maison de banque et mourut après avoir dissipé toute sa fortune. Cet événement fut pour la famille Trevenoc le premier revers de la médaille. « Décidément, quand vient-il ? » demanda Florence, qui était la plus impatiente des deux sœurs. « Demain. » Barbara fit une grimace. « Alors il ne nous reste plus qu'une soirée de liberté. Je voudrais le capitaine à 100 lieues. » « Tu ne dis pas ce que tu penses, Barbara, car tu serais très désappointée s'il ne venait pas. Peut-être. C'est tellement bizarre d'avoir ici un militaire. » Barbara acheva sa phrase en faisant une pirouette comme une danseuse de l'opéra. Quand elle ne savait plus que faire, elle se livrait à ce genre de divertissement chorégraphique. « Maman, j'espère que vous nous donnerez ce soir un thé somptueux et que vous nous ferez des gâteaux pour célébrer notre dernière réunion intime. Mes enfants, il me faudrait pour cela changer de toilette. » Et j'espère que vous renoncerez au gâteau plutôt que de m'imposer cet ennui. « Si, si, si !» crièrent les deux jeunes filles. Madame Trevenoc n'avait jamais rien refusé à ses filles. Elle fit donc encore ce qu'elle désirait. Toutes trois allèrent à la cuisine. L'une se mit à battre les œufs, l'autre à râper le sucre, toutes trois riant à qui mieux.